لكل داء دواء. الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن الشريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. Il a été authentifié dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah du hadith de Abi Huraira radiallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie excepté qu'il a fait descendre son remède. Et dans Sahih Muslim du hadith de Jabir ibn Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chaque maladie un remède, un traitement. Et si le remède atteint la maladie, il est guéri par la permission d'Allah le Très-Haut. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, du hadith de Usama bin Shuraik, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie, excepté qu'il a fait descendre son remède. Celui qui le connaît, donc le connaîtra celui qui le connaîtra, et l'ignorera celui qui l'ignorera. Donc ces trois hadiths sont sahih. Et dans une autre narration, Allah n'a pas établi une maladie excepté qu'il a établi son remède ou bien son traitement, yani sa guérison ou son remède, excepté une seule maladie. Ils ont dit: oh envoyé d'Allah, quelle est donc cette maladie pour laquelle il n'y a pas de remède ni de traitement? Il a dit al-hiramu, c'est-à-dire la mort. D'accord, donc tous ces hadiths-là sont authentiques.